Allez-y les gars, c'est à vous. C'est pas moi qui fais du bruit là. C'est pas moi ça. C'est qui buzz? C'était la compo à 7. Si mon synthé ça marche, Géo, trouve tout. ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. 1, 2, 3, 4. job. We're starting the war, crying. But I didn't see that the joke was on me. Out in the world, world of fear. If I only seen that the joke wasn't me. Et Giorgio è là. Comment ça va, Giorgio? Giorgio è là ce soir. C'est quoi la gamme Karma? Mais bon, tant pis, il faut. fait, ça fait sonner faux le machin. Voilà le son. Sa culotte. Oh, c'est Mimi, oh, c'est trop beau. J'entends une flûte. C'est Géo, non ? Charlie, nous avons un problème. Oh, and the sun. Non, c'est Géo avec la flûte.